بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكلمنا بالأمس عن حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه. Hier, on a parlé du hadith de Zayd ibn Arqam qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon. Il a alors loué Allah et a fait ses éloges. Thumma qala amma ba'd. Ensuite, il dit amma ba'd. Ceci dit: Ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushiku an ya'ti rasul rabbi fa ujib. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله. Ô homme, certes, je suis un être humain. Il se peut que vienne l'envoyé de votre Seigneur et que je réponde, et je laisserai parmi vous deux poids. Le premier d'entre eux est le livre d'Allah. Fihi al-huda wa an-nur. Il y a dans celui-ci, donc, dans le livre d'Allah, la guidée et la lumière. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ. Alors prenez le livre d'Allah, وَتَمَسَّكُوا بِهِ, et accrochez-vous à celui-ci. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ. Le rapporteur qui nous dit alors, il a incité à s'accrocher au livre d'Allah. ثُمَّ قَالَ. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa ahlu bayti, et les membres de ma demeure. وَفِي لَفْزٍ, et donc dans une autre narration, كِتَبَ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. Le livre d'Allah, c'est le câble ferme d'Allah. مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَ. Celui qui le suit, celui qui suit le livre d'Allah, est sur la guidée, et celui qui le délaisse est sur un égarement, rapporté par Muslim. On a vu, ô chers frères, l'importance quant au fait de s'accrocher au livre d'Allah. Et on a dit que l'individu ne peut s'accrocher au livre d'Allah que s'il prend avec lui aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est une révélation venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah qui nous dit wa ma yantiqu anil hawa, il ne parle pas selon la passion. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon la passion. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حقا وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. Et aussi le prophète صلى الله عليه وسلم qui nous dit: par celui dont mon âme est entre ses mains ne sortira de cela, et il montrait sa bouche, ne sortira de cela que la vérité صلى الله عليه وسلم. Ensuite il dit dans ce hadith, il dit wa ahlu bayti, et les membres de ma demeure, donc les gens de sa famille, ahlu baytihi hum qarabatuhu wa zawjatuhu, et donc les gens de sa demeure, ce sont ses proches, les gens de sa famille ainsi que ses épouses. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam awsa bihim ay bil ihsan ilayhim wa mahabbatihim wa adami tanaqqusihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc recommandé la bienséance, la bienfaisance envers eux, les membres de sa famille. Il a recommandé le fait de les aimer et le fait de ne pas les rabaisser. Fas-salihuna minhum la shakka anna lahum fadlan wa lahum sharafan. Il n'y a nul doute que les pieux parmi eux, il n'y a nul doute qu'ils ont des mérites et qu'ils ont une noblesse, comme le montrent les hadiths, les récits du prophète sallallahu alayhi وسلم وزعمت الروافض أن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله آية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في خلافة علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Les rawafid ont prétendu que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre un verset sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset qui selon eux est « Ô prophète, transmets ce qui a été révélé, ce qui t'est descendu venant de ton Seigneur concernant l'autorité gouvernementale de Ali, c'est-à-dire le khilafa, c'est lui qui commande, c'est lui qui gère. Et donc, transmets aux gens cette autorité qui est accordée à Ali. Et si tu ne le fais pas, fais-moi bellarta di salata. Alors tu n'auras pas transmis le message de ton Seigneur. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى الله تبارك وتعالى بعلي أي بخلافته من بعده فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وأوصى به. Et donc ils ont prétendu que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a recommandé d'obéir et d'affirmer l'autorité de Ali, le fait que c'est lui le khalifa, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait cela. Il a appelé les croyants à donc affirmer le khalifa de Ali radiallahu anhu. Wa hadha kulluhu kadhibun la dalil ali. Et tout cela, bien entendu, c'est un mensonge sur lequel il n'y a, donc pour lequel il n'y a aucune preuve. Un mensonge basé sur aucune preuve. وبعض الناس قد يتعجبون من وجود من يصدق هذا الكلام. Certaines personnes peuvent être surprises par le fait qu'il y a des gens qui vont croire cette parole. Des gens qui vont croire que effectivement Allah il a fait descendre un verset. Ô prophète, transmets ce qui a été descendu sur toi venant de ton Seigneur concernant le khilafa de Ali. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Certains s'étonnent, comment se fait-il que des gens peuvent croire à cette parole ? À ce moment-là, on dit « Onzuru ila halatin nas ». On dit « Méditez, regardez la situation des gens ». « Yakbaluna kullama yunchar ». Ils acceptent tout ce qui est propagé. Ah, un rappel sur le téléphone. Ah oui, on propage, on reçoit, on propage, on reçoit, on propage. Les gens, ils acceptent tout ce qui arrive concernant la religion. À partir du moment où c'est marqué, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou alors Allah azza wa jal a dit, les gens y croient, et oui, effectivement, c'est dans le livre d'Allah, et oui, effectivement, le prophète il a dit. La yata'akkadun. Ils ne vérifient pas, les gens. Les gens ne vérifient pas, et si aujourd'hui tu appelles les gens à vérifier, faites attention, c'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Les gens vont dire, ah ça c'est un exagérateur. Ah il vient nous déranger, il exagère et tout. Faut vérifier, à chaque fois faut vérifier. Ouais, ben regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. هذه الفرقة الروافض نشأت على الأكاذيب. Ce groupe, cette secte, les Rawafid, cette secte a été fondée à partir de mensonges. Tout cela basé sur des mensonges. Il faut donc qu'on vérifie, les frères. On ne peut pas laisser les choses se faire comme cela. Est-ce que vous n'avez pas peur concernant vos propres personnes, concernant votre religion? On accepte tout comme ça sans vérifier. La situation est arrivée tellement loin que les gens aujourd'hui, ils acceptent ce que disent les incroyants, c'est-à-dire yakbaluna ma yakuluhu al-kuffar fil islam. Aujourd'hui, tu vas trouver des musulmans qui acceptent ce que vont dire les incroyants concernant l'islam. Exemple, al-kuffar yakulun as-salafiyatu tadayyunun mutatarrifun la alaqata lahu bil islam. Les kuffars, ils vont dire la salafia, c'est une pratique religieuse exagérée qui n'a rien à voir avec la pratique correcte de l'islam. فبعض المسلمين يستمعون إلى هذا الكلام فيكررونه. Certains musulmans vont entendre cette parole et ils vont répéter derrière. Ils vont répéter لا سألتهم هاتلي ما هو الشيء الموجود في السلفية الذي ليس بموجود في الإسلام. Tu leur demandes qu'est-ce qui est présent dans la salafia qui n'est pas présent dans l'islam. Cite-moi. Hat. Donne-moi. Puisque tu as écouté des gens qui t'ont dit la salafia n'a rien à voir avec l'islam et c'est exagération et tu dis alors vas-y viens, on parle sérieusement maintenant. Donne-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la salafia qui n'est pas présent dans l'islam? Hat. Lam yajid. Il ne trouvera pas. Pourquoi? Li anna salafia tahiya al-islam. Parce que la salafia, c'est l'islam. La salafia, c'est l'islam. Al-Ahmad al-Nadrus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on étudie, les frères? Nadrusu al-tamassuk bi kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, on étudie le fait de s'accrocher au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع خير القرون الصحابة رضي الله عنهم. Et Allah تبارك وتعالى nous a ordonné de suivre la meilleure des générations, les compagnons du prophète رضي الله عنهم. طيب سؤال ما هو الفرق بين السلفية وهذا؟ Quelle est la différence entre la salafia et ça? Quelle est la différence entre la salafia et le Coran, la Sunna et les compagnons? Hat, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est pour ça que je le dis. Hein. Toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce discours, je leur donne un an. Un an. Pour me trouver un sujet qu'il y a dans la salafia qu'il n'y a pas dans l'islam. Un. On ne trouve pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on a écouté des gens dire et on répète. On a écouté des gens dire et on répète. Et donc, subhanallah, hadha huwa al-islam. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Le Coran, sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça l'islam. Et c'est ça la salafia. Et donc, franchement, il faut qu'on arrête d'écouter les médias. Il faut qu'on arrête d'écouter ce que disent des ignorants, des gens qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent rien de l'islam. Pour la plupart, ou des gens qui sont ennemis de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est que les gens s'éloignent de la sunna, ne soient pas accrochés à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on leur dit, Coran, Coran, Coran. D'accord le Coran, mais on le comprend comment? On le comprend comment le Coran si on ne prend pas avec nous la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce chapitre qu'on voit aujourd'hui, oh, chers frères, il est très, très, très, très important. Très important, il ne faut pas négliger ce sujet. إذن أيها الإخوة احذروا الأكاذيب. Et donc, oh chers frères, méfiez-vous des mensonges. هذه هي طريقة الروافد. Ceci est la méthodologie des روافد. غلوا في حبهم لآل البيت. فاعتقدوا أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافات باطلة. Ils ont exagéré les rawafid concernant leur amour pour Al-Bayt, les gens de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette exagération les a amenés à croire, à avoir la croyance que le khilafa de Abu Bakr, Omar et de Uthman sont des khilafas qui sont caduques. Que c'était donc une tromperie pour les musulmans. Bel zadu fi hadha al-amr. Ils ont augmenté, ils ont exagéré encore plus à tel point qu'ils ont adoré des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanzuru ila akadhibihim. قالوا إن الله تبارك وتعالى لما أوصى بولاية علي أنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر على إكمال الرسالة وإتمام النعمة وولاية علي. Et donc regardez les mensonges. Ils prétendent que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a recommandé, a ordonné le fait que Ali soit le khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, Allah a fait descendre sa parole, El yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. À ce moment-là, selon les Rawafid, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahu Akbar !» Allahu Akbar. Concernant le fait que la religion soit complète et concernant le fait que le bienfait soit parachevé et concernant la khilafa de Ali, radiyallahu anhu. فهذا أيها الإخوة كذب محض. Tout cela, donc, ce sont des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut trouver dans les livres des Rawafid. ويستدلون أيضا بأحاديث صحيحة نجدها في كتب أهل السنة. Et ils vont aussi s'appuyer sur des hadiths qui sont authentiques qu'on va trouver dans les livres de Ahl Sunna. Parmi ces hadiths, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: من كنت مولاه فعلي مولاه. Celui dont je suis son allié, alors Ali est son allié. فهذا أيها الإخوة لا يدل على بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne montre nullement le fait que le khalifa de Abu Bakr, Umar et Uthman soit caduc. وكذلك ليس في هذا الحديث أن عليا يستحق العبادة. Et aussi même chose, il n'y a pas dans ce hadith que Ali mérite l'adoration. وإنما الموجود في هذا الحديث أن علي رضي الله عنه صحيح الإيمان صادق في إيمانه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Cependant, ce qu'on peut trouver dans ce hadith, c'est que Ali, il a une bonne foi, qu'il est véridique dans sa foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses éloges. Taïb, mais est-ce que Ali, c'est le seul allié du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rappelez-vous la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Certes, Allah, c'est son allié, donc l'allié du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Jibril, et les pieux parmi les croyants, et aussi, en plus de cela, il aura le soutien des anges, Et donc, « Fasalihul mu'minun, salihul mu'minin, kulluhum awliya linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. » Et donc, les pieux parmi les croyants sont tous donc des alliés du prophète, صلى الله عليه وسلم. وطائفة أخرى ضلت في هذا الباب وهم النواصب. Il y a aussi donc un autre groupe qui s'est égaré dans ce même sujet, le sujet de la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. Ce sont les نواصب. Ces gens-là, هؤلاء يبغضون أهل البيت. Ces gens-là, ils détestent les membres de la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي ندرسه اليوم Raddun ala kilat ta'ifatin. Le hadith qu'on étudie aujourd'hui est une réplique à chacun des deux groupes. Ahlu sunnah wal jama'a, ils n'exagèrent pas. Ils sont dans le juste milieu. Ils ne vont pas exagérer concernant la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne vont pas faire preuve de négligence non plus les concernant. Mais ils sont donc dans le juste milieu. Wa akhiran fil hadith. أن من تمسك بكتاب الله فهو على هدى ومن تركه كان على ضلالة. Et pour finir, il y a dans le hadith le fait que celui qui s'accroche au livre d'Allah, il est sur une guidée. Et celui qui le délaisse est dans un égarement. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Vous viendra de moi une guidée. Alors celui qui suit ma guidée ne s'égare pas, ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. جَاءَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمَعْنَى مَنْ تَمَسَّكَ بِكِتَابِ اللَّهِ La yadillu fi dunya wa la yashqa fil akhirah. Il a été rapporté des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et autres que la signification de ce verset, c'est que celui qui s'accroche au livre d'Allah ne va pas s'égarer ici-bas et ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Et c'est pour cela, ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, tout de suite après cela, il dit « Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka » Et celui qui se détourne de mon rappel, du Coran, il aura certes une vie pleine de gênes. Et nous allons le ressusciter au jour de la résurrection. Il sera aveugle. Il dira, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité, m'as-tu ramené à la vie en étant aveugle, alors qu'avant, je voyais. Avant, je pouvais voir. Alors, il répondra Allah tabaraka wa ta'ala, comme nos versets te sont parvenus et tu les as délaissés, alors aujourd'hui, aussi aujourd'hui de la même façon, tu es délaissé. Et donc, ô chers frères, il est important... Il est obligatoire qu'on s'accroche au livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue demain. Bi'idhnillahi ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.